Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 23. Histoire de la robotique. Jusqu'à quand saurons-nous faire la différence, avec l'apparition de robots de compagnie ou avec lesquels on peut interagir naturellement, en même temps que le développement d'extension du corps humain façon cyborg? Toutes les prothèses électroniques imaginables, pour la vue, la mémoire, le déplacement, la télécommunication, la santé, etc., et avec la domestication d'OGM soit utilitaire soit artistique, comme le lapin fluorescent. On peut se demander jusqu'à quel point nous ferons toujours la différence entre ce que l'on dit artificiel et ce que l'on dit naturel. Certains, en Europe, s'en inquiètent déjà au sujet des robots jouets assimilables à des animaux, craignant que les enfants ne fassent pas bien la différence. Voir ci après au paragraphe 3.2 les non-réponses, ou l'état des peurs actuelles. La question qu'on peut sérieusement se poser est, y a-t-il une différence fondamentale, en dehors du matériau utilisé, entre les animaux et les anima? C'est bien l'idée de la cybernétique de gommer la frontière entre les diverses manières de réaliser un même animal. Qu'en sera-t-il lorsque nous saurons réaliser des robots intelligents qui seront capables de modifier leur propre programme et donc de changer le comportement que nous leur aurons assigné par nature? Qu'est-ce qui différenciera un robot humanoïde capable d'autonomie et d'autoprogrammation d'un humain? On rejoint là l'expérience fondamentale proposée par Alan Turing et son fameux test de Turing de points, ce qui permettra de décider que nous aurons réalisé une machine réellement intelligente réside, précisément, dans le fait que nous ne saurons plus faire la différence entre le comportement de la machine et celui d'un être humain. Fin de cette 23e partie, à bientôt. Grosse bise numérique.